Koresh chante de David. Le ciel raconte la gloire d'elle. Le firmament rapporte l'œuvre de ses mains. Le jour au jour on énonce le dire. La nuit à la nuit on transmet le savoir. Sans dire, sans parole, sans que le voix s'entend. De toute la terre la ligne saute. Du bout du monde le mot. Pour le soleil il a mis une tente là. Lui comme un fiancé sort de son dias. Il exulte comme un héros de courir sur la voie. Au bout des ciels est assorti et se révolutionne à l'autre. Rien n'échappe à sa chaleur. Le Torah de Adonai est intègre, elle restaure l'être. Le témoignage d'Adonai est en adhérence, il s'agite le niaise. Les sanctions d'Adonai droite réjouissent le cœur. Ordre Adonai transparent éclaire les yeux. Le frémissement d'Adonai pur se dresse à jamais. Les jugements d'Adonai vérité sont justes ensemble. Plus désirable que l'eau, que beaucoup d'eau pure, plus doux que le miel est des rayons. Aussi ton serviteur est averti par eux à l'égard de ce qu'on s'est multiplié. Les erreurs qui le discernent, dévoilées innocentes de moi. Aussi devant les arrogants dépeint ton serviteur qui ne me gouverne pas. Alors je serai intègre, innocenté de multiples carences. Les dires de ma bouche seront agréés, le murmure de mon cœur, face à toi, Adonai, mon roc, mon rédempteur.